Alors, se rabattant sur les généralités, il peignit les pauvres femmes, dont les époux gaspillaient la fortune. Mais elle est à lui, monsieur. Moi, je n'ai rien. N'importe, on ne savait pas. Une personne d'expérience pouvait servir. Il fit des offres de dévouement, exalta ses propres mérites. Il la regardait en face, à travers ses lunettes qui miroitaient. Une torpeur vague la prenait. Mais tout à coup, voyons l'affaire, je vous prie. Il exhiba le dossier. Ceci est la procuration de Frédéric. Avec un titre pareil aux mains d'un huissier qui fera un commandement, rien n'est plus simple. Dans les 24 heures, elle restait impassible, il changea de manœuvre. Moi, du reste, je ne comprends pas ce qui le pousse à réclamer cette somme. Car enfin, il n'en a aucun besoin. Comment ? Monsieur Moreau s'est montré assez bon. Oh, d'accord. Et Deslauriers entama son éloge, puis vint à le dénigrer, tout doucement, le donnant pour oublieux, personnel, avare. Je le croyais votre ami, monsieur. Cela ne m'empêche pas de voir ses défauts. Ainsi, il reconnaît bien peu, comment dirais-je, la sympathie. Madame Arnoux tournait les feuilles du gros cahier. Elle l'interrompit pour avoir l'explication d'un mot. Il se pencha sur son épaule et, si près d'elle, qu'il effleura sa joue. Elle rougit. Cette rougeur enflamma Deslauriers. Il lui baisa la main voracement. « Que faites-vous, monsieur ?» Et, debout contre la muraille, elle le maintenait immobile sous ses grands yeux noirs irrités. « Écoutez-moi, je vous aime. » Elle partit d'un éclat de rire, un rire aigu, désespérant, atroce. Deslauriers sentit une colère à l'étrangler. Il se contint. Et, avec la mine d'un vaincu, demandant grâce. « Ah, vous avez tort. Moi, je ne dirai pas comme lui. De qui donc parlez-vous »« De Frédéric. » »« Eh, monsieur Moreau m'inquiète peu, je vous l'ai dit. »« Oh, pardon, pardon. » Puis, d'une voix mordante, et faisant traîner ses phrases. « Je croyais même que vous vous intéressiez suffisamment à sa personne pour reprendre avec plaisir. » Elle devint toute pâle. L'ancien clerc ajouta. « Il va se marier. »« Lui ?»« Dans un mois, au plus tard, avec mademoiselle Roque, la fille du régisseur de monsieur d'Ambreuse. Il est même parti à Nogent, rien que pour cela. »